La Corée remporte de grands succès dans la campagne de 200 jours dans divers domaines de l'économie nationale. En juin, premier mois de la campagne de 200 jours, le ministère de l'Industrie électrique a produit plus de 300 000 kW d'électricité de plus par rapport à la campagne de 70 jours. Le complexe mécanique de Lyonson a dépassé le plan du premier mois à 107,6% et le complexe chimique de Suncheon le plan du premier mois pour la production de fer tout thé à 140%. Le complexe de Vinalon, vite février, a produit beaucoup de soude caustique avec du sel produit avec l'ultrasommure souterraine pour dépasser le plan du mois de juin à 110% et l'usine des souliers de Wonsan a accompli jusqu'au 27 juin le plan du mois à 160%.